Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson de Rolling Stone? Trois accords. Voilà, ça là. Ah ben, petite flow, je connais pas. Trois accords. Ré, sol, la. Ah non, oui. Oui, trois accords. Pourquoi faire compliqué? C'est quoi ça? Le grand standard. Damn.